Bonjour frères et sœurs, et nous sommes de retour ce matin et nous voulons continuer notre méditation sur l'évangile de Jean afin de bien saisir qui est cet homme, ce personnage de Jésus qui a déclaré qu'il était le Christ, le Fils de Dieu. Il a déclaré aussi que si on croyait en lui, en son nom, on aurait la vie éternelle. Donc, nous continuons ce matin dans cette direction-là. Commençons par la prière. Notre Père du ciel, merci. Merci que tu nous as choisis. Merci que tu nous as instruits sur la personne de ton Fils Jésus. Nous sommes conscients que c'est seulement que par ton esprit que nous pouvons comprendre ces choses, que nous pouvons les assimiler. C'est lui qui illumine nos cœurs. Donc, par ce même esprit que tu nous as donné le jour de notre salut, nous te demandons que tu puisses nous aider à approfondir ce que nous savons sur la personne de Jésus. Et aujourd'hui, nous allons regarder sur ce deuxième consolateur. Jésus étant le premier, il a envoyé un deuxième. Et quel est son rôle à ce deuxième consolateur? Conduis-nous par le nom de ton Fils. Amen. Jusqu'à date, nous avons vu hier qu'était le rôle du Consolateur. On se souvient que nous sommes dans la dernière nuit avant la venue de la mort de Jésus. Cette nuit qui va être une nuit riche en instructions, au chapitre 13, 14, 15, il les instruit. Il leur dit qu'il part, qu'il s'en va, mais qu'il va revenir. Il leur dit qu'il ne laisse pas orphelin, mais qu'il va leur donner un nouveau consolateur, un autre consolateur, un comme lui, de la même nature que lui, et que ce consolateur-là va avoir une œuvre importante, cruciale, unique dans leur vie. Nous avons vu jusqu'à date que ce consolateur-là va venir au jour de la Pentecôte, et qu'au moment où ils vont le recevoir, ça va transformer leur vie, ça va changer leur vie. De timides, peureux qu'ils étaient, cachés, ils vont devenir audacieux, ils vont devenir capables de défendre leur foi, de faire face à la persécution, et même d'affronter la mort au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce même esprit qui leur a été donné, nous a été donné à nous aussi. Et l'œuvre qu'il a fait en eux va être un petit peu différent qu'en nous, parce qu'ils ont un rôle différent à jouer. Les premiers disciples, ou les fois les douze, ont un rôle différent que nous. Mais dans l'ensemble, c'est la même chose. Nous avons vu au chapitre 16, 15, verset 26, le premier rôle, il rend témoignage de Jésus. Et il va nous rendre aussi capables de rendre témoignage au monde dans lequel nous vivons. Ce que les disciples ont fait aussi. Deuxièmement, il va les aider à se souvenir ce que le maître leur a enseigné pendant 3 ans. Et ce troisième rôle qu'on a vu, qui va convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Il nous a convaincus, nous, de péché, de justice et de jugement, afin qu'on puisse se convertir. Il annonce les choses à venir. C'est ce que nous allons commencer aujourd'hui. Il va annoncer les choses à venir. Regardons ça ensemble à partir du verset 12 jusqu'au verset 15. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit, il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » Donc, consolateur, de cet avocat qui vient auprès d'eux, qui va venir auprès d'eux, après que Jésus soit parti, il dit, « J'ai beaucoup de choses à vous dire encore, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » On a vu à quelques reprises que leur compréhension était un peu faible, limitée. Donc, il dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et il dit, il vous annoncera les choses à venir. Je crois que chaque évangile a annoncé ce que Jésus leur avait déjà dit. Mais quand on va un peu plus loin, dans les Actes, dans les Épîtres, et surtout dans l'Apocalypse, l'Esprit va révéler aux disciples les choses à venir. Et ça, c'est particulier aux premiers disciples. Nous autres, il va nous aider à comprendre les choses à venir, à les croire, à les accepter dans notre vie. Et là, il dit quelque chose qui met Jésus dans une position divine. Il dit, « Il me glorifiera. » Jamais dans la Bible, on voit Dieu glorifier quelqu'un d'autre que lui-même. Et ici, il dit, « L'Esprit de vérité, l'Esprit de Dieu, va me glorifier moi. » Parce qu'il ne parlera pas de lui, cet Esprit-là. Il va parler de moi. Il va vous annoncer les choses que je vais lui avoir dites, qu'il va avoir entendues de ma part. Il dit, et là au verset 15, il dit, « Tout ce que le Père a est à moi. » C'est pour ça que je vous ai dit qu'il vous annoncera les choses qui sont à moi. Donc l'Esprit va annoncer des choses qui m'appartiennent pour l'avenir. Les choses qui me concernent, les choses que je vais faire dans l'avenir. Parce qu'ils sont à moi, ces choses-là. Et là, il dit quelque chose qui le met égal à Dieu. Tout ce qui est à Dieu est à moi. Donc, le rôle de l'Esprit, un de ses rôles, c'est d'annoncer aux premiers disciples, et à tous les disciples par la suite, par leurs écrits, les choses que Jésus va accomplir dans l'avenir. C'est pour ça qu'on voit que c'est Jésus qui s'adresse à Jean dans l'Apocalypse. Il lui annonce les choses à venir. Et Jean les annonce à l'Église. Mais l'Esprit Saint va les rendre capables, eux et nous, de croire et d'accepter et même de désirer ce qui s'en vient. Mais remarquez bien, ce sont ces choses à lui qu'il dit. Ces choses-là m'appartiennent, c'est à moi et à mon Père aussi. Et l'Esprit Saint va vous les annoncer. Donc si l'Esprit Saint, le Consolateur ne vient pas, vous ne saurez pas ces choses-là. Donc, j'ai besoin de m'en aller et l'Esprit Saint va venir et va vous conduire dans toute la vérité que vous avez besoin de savoir par rapport aux choses qui le concernent vers l'avenir. Ça, c'est un autre rôle du Saint-Esprit, de conduire dans toute la vérité. Personne ne comprend les Écritures à cause qu'il y a un quotient intellectuel plus grand que les autres. Ça veut dire qu'on n'utilise pas notre quotient intellectuel. On l'utilise, mais c'est pas le quotient intellectuel qui nous fait comprendre les Écritures. C'est l'Esprit Saint qui nous fait comprendre les Écritures. Mais nous, on va en voir une autre chose que l'Esprit Saint ou le Consolateur va faire. À partir du verset 16, nous allons lire jusqu'au verset, je pense qu'au verset 22. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Puis encore un peu de temps et vous me verrez, parce que je m'en vais au Père. Là-dessus, quelques-uns des disciples dirent entre eux, « Que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez, parce que je vais au Père. » Il disait donc, « Que signifie ce qu'il dit, encore un peu de temps? » Nous ne savons de quoi il parle. Jésus, sachant qu'il voulait l'interroger, leur dit, « Vous vous questionnez sur les uns les autres sur ce que j'ai dit, encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez, et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse changera en joie. » La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. Donc un autre rôle du Consolateur, c'est d'enlever sa tristesse et de la mettre de la joie dans le cœur des disciples. Il dit, « Je m'en vais dans peu de temps, et vous me reverrez, et votre joie se changera en tristesse. » De quel jour parle-t-il? On croit qu'il parle de son départ, imminent par sa mort, et qu'il va revenir. Parle-t-il de sa résurrection, de ses 40 jours qu'il va passer avec lui? Peut-être. Mais je crois que plutôt qu'il fait croire qu'il parle du jour, de tout, dans le chapitre 14, 15, 16, il fait plutôt allusion à ce retour dans l'esprit, ou en esprit. Juste le verset 23, il va dire, « En ce jour-là, vous m'interrogerez plus sur rien. » Donc, je crois qu'il parle toujours de ce jour, non pas des apparitions, malgré que les apparitions vont causer de la joie aux disciples, mais c'est pas de cette joie qu'il parle. Là, ils ont une joie de revoir leur maître, mais ils comprennent pas encore tout ce qui se passe. Ils saisissent pas tout. Ils font pas le lien dans tout ce que Jésus a dit et fait. Mais en ce jour-là, qu'il va revenir en esprit, dans leur cœur, à chacun d'eux, leur tristesse va se changer en joie. Et ce thème de la joie va se refléter dans tous les actes, dans toutes les épîtres, et même dans l'Apocalypse. Cette joie que le croyant a maintenant, cette joie qui vient de la compréhension de qui est le Fils de Dieu et quel était son rôle et quelle part nous maintenant nous avons dans tout cela. Il ne parle pas de la joie que cause la santé. Il ne parle pas de la joie que cause un salaire. Il ne parle pas de la joie de trouver un conjoint et d'avoir des enfants. Ce n'est pas de ça qu'il parle ici. Parce que plusieurs d'entre nous, parmi le monde, n'ont pas cette joie-là, même s'ils sont chrétiens. Il y a des gens qui se sont convertis, qui sont devenus chrétiens, et tout de suite, c'était la souffrance, c'était l'emprisonnement et c'était la mort. Mais pourtant, ils ont connu cette joie-là dont ils parlent ici. Ils l'ont connue parce que c'est la venue du Saint-Esprit. Quand l'Esprit rentre dans le cœur de quelqu'un, il cause cette joie-là. La joie d'être en relation avec Dieu. La joie d'être en relation avec Christ. La joie d'avoir la vie éternelle, de devenir le temple de Dieu. La joie d'être un enfant de Dieu. Donc l'Esprit a cette capacité d'enlever la tristesse et de donner la joie. Faisons attention ici. Beaucoup de gens, j'ai entendu leur témoignage, qu'avant de se convertir, ils étaient tristes. Puis après de se convertir, ils étaient dans la joie. Attention, là. Il faut faire attention. La tristesse ici des disciples n'est pas causée parce qu'ils étaient mal fichus, parce qu'ils étaient malades. La tristesse dont ils parlent n'est pas causée par la perte d'un emploi, ou ils sont infirmes, ou la vie va mal, ou ils ont été divorcés, les enfants les ont rejetés, ils ont été battus dans la drogue, dans la boisson. C'est pas de ça qu'on parle ici. La tristesse qu'ils sont accaparés avec, c'est la tristesse de voir Jésus partir. La tristesse dont il parle ici, c'est cette tristesse qui est causée par son départ, par le fait qu'ils ne comprennent pas que leur Messie s'en va et qu'ils ne peuvent pas aller avec lui et qu'ils ne le verront plus. C'est cette tristesse que l'Esprit enlève. Parce que tout d'un coup, le Messie, le Fils de Dieu, revient habiter dans le cœur. Et là, cette tristesse s'en va. Et là, on comprend qui il est, qu'est-ce qu'on va faire, et quel lien qu'il va avoir avec nous maintenant et avec le Père. C'est pour ça que vous pouvez avoir des chrétiens dépressifs avant, des chrétiens dépressifs après. Faisons bien attention de garder le contexte. Il n'enlève pas la tristesse de ce monde. Il est là et on va être encore triste. Ici, il parle de la joie parfaite. Et personne ne vous ravira, nul ne vous ravira votre joie, verset 22. Cette joie-là, elle est non enlevable. Elle est non... On ne peut pas la soustraire, on peut pas... Le diable ne peut pas nous l'enlever, le péché ne peut pas nous l'enlever. C'est cette joie qui est causée par l'Esprit qui vient et qui nous fait comprendre et croire que nous sommes des enfants de Dieu. Que Christ est le Messie, le Fils de Dieu. Faisons attention de ne pas mélanger ça. Combien j'ai dit pour moi-même, et combien j'ai entendu d'autres chrétiens dire, « Ah, il faut se réjouir dans le Seigneur, ah, il faut avoir la joie dans le Christ. » Puis c'est l'Esprit amène la joie. Attention, attention. Les chrétiens ne sont pas des gens qui ont toujours le sourire aux lèvres parce que tout va bien, et que même si on a la jambe cassée, « Oh, ils sont dans la joie pareil. » Non, non, non, non, non, non. La joie dont on parle ici, c'est la joie causée par la venue du Saint-Esprit dans le cœur du croyant. Ils étaient tristes par le départ de Jésus, parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Le Saint-Esprit va venir, il va leur révéler toutes choses, il va leur dire, il va leur faire comprendre qui était Jésus, qu'est-ce qu'il était fait, pourquoi il est mort, pourquoi il est ressuscité, pourquoi il va revenir, pourquoi il monte au ciel, il va leur expliquer ça. Et là, leur joie va être parfaite. Et rien dans ce monde va leur enlever cette joie-là. J'espère que c'est plus clair pour vous maintenant. Bon, je pensais terminer. On ne va pas terminer. On va en avoir d'autres demain. Notre Père du ciel, merci que le Saint-Esprit, ce Consolateur, vient en nous et fait une œuvre merveilleuse. Et cette œuvre, elle est indissociable avec le fait qu'on a vu au chapitre 15 de demeurer en lui, de croire en lui. Croyez en Dieu, croyez en moi, je vais vous envoyer le Consolateur. Demeurez en moi, je vais vous envoyer le Consolateur. Restez attachés à ce que je vous ai dit. Et là, le Saint-Esprit vient, et cet Esprit agit en nous. Il fait des choses merveilleuses dans tous les croyants, sans exception. Merci qu'il nous rend témoignage de Jésus dans notre cœur. Il nous aide à nous rappeler ce que Jésus a enseigné. Il nous convainc de la vérité. Il nous annonce les choses à venir. Il nous aide à comprendre l'avenir et le plan de Dieu. Et que ce plan-là est pour la gloire de Dieu. Cet Esprit-là va glorifier Christ en nous et par nous. Merci, Père éternel, qu'il a changé notre tristesse en joie. Cette tristesse qui était causée par le péché, cette tristesse qui est venue à cause qu'on avait rejeté Dieu et rejeté Christ pendant une partie de notre vie. Cette tristesse qui était causée par l'idolâtrie qui était en nous. Quand nous nous convertissons au Christ et nous croyons en lui et en son nom, tu l'enlèves et tu nous donnes la joie, une joie parfaite que nulle personne, nulle chose dans ce monde pourra nous ravir, car elle ne vient pas de nous, elle vient de l'Esprit de Dieu en nous. Merci et gloire à ton nom. Amen.